les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Albert, tu te crois malin, disait Marcel Pagnol à Albert Cohen, son ami d'enfance. Et c'est ta naïveté qui est admirable. Que préférait Albert Cohen dans son roman Belle du Seigneur ? Une partie que j'aime le mieux, répondait-il, c'est la jalousie. Mais son épouse, la troisième épouse d'Albert Cohen, était contre. Il est affreux. Il, Solal, bien sûr. Solal, c'est Lucifer. Ah, Solal et ses 8 grammes de dents. En réalité, s'amusait Albert Cohen, Solal fait ça, surjouer la jalousie, pour mettre de l'animation, pour qu'elle ne s'ennuie pas. Elle, Ariane, bien sûr. Voici le troisième volet de la série présentée par Françoise Esteb et Jean Couturier, le 4 août 1982, quelques mois après la mort d'Albert Cohen. Françoise Esteb, Jean Couturier. Belle du Seigneur. Albert Cohen. L'iconoclaste. Belle du Seigneur. Ma femme a tapé 4 fois, belle Seigneur. Il y a eu 4 manuscrits. Mon système est une espèce de prolifération cancéreuse, n'est-ce pas ? Je dicte, et puis alors je prends là et j'ajoute. Je n'enlève jamais, j'ajoute. Et belle du Seigneur, il a bien fallu m'arrêter, mais autrement j'aurais pu continuer un temps, puis en faire un livre comme ça. Il y a tout de même dans Belle du Seigneur une recherche d'écriture. Oui, mais qui est absolument pas préméditée. Ça vient comme ça. Mais c'est pas voulu tout ça. Je vous dis, je reviens, enfin, je dis toujours les mêmes choses. Chez moi, c'est vraiment la... Ce sont des fantasmes de rêve. C'est pas autre chose. Et je ne sais jamais pourquoi. Et je ne fais jamais de plan, je ne sais pas où je vais. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est que c'est Solal qui amène Ariane à devenir un petit peu comme elle est. Malheureusement, il est obligé de la séduire comme ça. Il l'a averti quand elle a eu peur du vieux juif, oui. Il avertit qu'il la séduira comme elle le mérite. Comme elle le mérite. Et ainsi je vengerai les vieux et les laids. Il rumina son obsession, condamné à la passion perpétuelle. Les autres, les malins, faisaient de l'adultère aux cachettes. Alors, obstacle, rencontre rare, délice. Eux, les fous, enterrés vivants dans leur amour. Ou bien, plus malin encore. D'autres faisaient les choses convenablement. La femme se débrouillait pour divorcer. Puis les deux se remariaient, honorés de tout ce qu'ils savaient pourtant à quoi s'en tenir sur le passé. Se marier avec elle, solution déjà rejetée. N'importe quoi mais du vivant, de l'intéressant, du pathétique. La gifler, ses beaux yeux qui attendaient lui en ôtèrent le courage. Le mieux et le plus simple, évidemment, serait de la désirer. Et la suite, hélas, si facile à Genève. Il se leva brusquement et elle tressaillit. Et si moi, homme tronc, demanda-t-il, et elle humecta ses lèvres sèches de peur. Je ne comprends pas. dit-elle en essayant de sourire. Assieds-toi, ma noble, ma fidèle amie. Tu n'as pas froid, tu es bien, tout fonctionne. L'homme tronc, nous y viendrons tout à l'heure. Mais d'abord, réglons un autre problème. L'autre jour, avant de sortir pour faire du cheval, puisque tu y étais à temps, tu t'es approché de moi et tu as lissé les revers de mon veston. Et tu m'as dit que j'étais beau, que le costume de cheval m'allait bien. Eh bien. Mais je ne comprends pas. Il est beau, mon aimé, le costume de cheval lui va si bien. Ainsi as-tu dit, et tu as recommencé tes manigances de revers caressés. Réponds. Mais que dois-je répondre? Tu reconnais avoir dit ces mots. Mais oui, quel mal y a-t-il? Un grand mal. Donc ce n'est pas moi que tu aimes, mais un homme, et beau par-dessus le marché. Ainsi donc, si tu ne m'avais pas rencontré, tu te serais extasié devant un autre de même longueur et tu lui aurais dit les mêmes abominables mots, roucoulante, la tête renversée, les yeux stupidement levés vers le blond gaillard autoritaire et la pipe au bec, lui caressant horriblement les revers, toute prête à ouvrir la bouche. Silence! Mais je ne parle pas. Silence, tout de même. Pauvre dame, si bon, si doux, qu'elle a abandonné pour moi. Pour moi, faisant le fort au Ritz, le désinvolte gorille, et humiliant le gentilhomme. C'est la honte au cœur que je l'humiliais au téléphone. Mais il le fallait, puisqu'elle exigeait d'être achetée au sale prix. Comique, je parlais contre la force et la virilité, et c'est par la force et la virilité que je l'ai conquise, honteusement conquise. La honte qui me mord chaque fois que je me rappelle mon brio de Gorioritz, ma parade de coq de Bruyère. Mon animal danse nuptiale. Si moi soudain, homme tronc, à la suite d'une opération indispensable, quels seraient vos sentiments à mon égard? Des sentiments d'amour? J'attends la réponse. Écoute, Sol, il faut que je te dise que je ne suis pas très bien. Je n'ai pas dormi cette nuit, finissons-en. Je sens que je n'aurai plus la force de te répondre, je n'en peux plus. Écoute. Ne gâchons pas cette soirée. Écoute, Sol. Je ne t'aime pas parce que tu es beau, mais je suis heureuse que tu sois beau. Ce serait triste si tu devenais laid, mais laid ou beau, tu seras toujours mon aimé. Pourquoi ton aimé, si sans jambes ni doigts de pied? Pourquoi tellement ton aimé? Parce que je t'ai donné ma foi. Parce que tu es toi. Parce que tu es capable de poser des questions aussi folles. Parce que tu es mon inquiet. Mon souffrant. Il y a un autre problème que nous n'avons pas élucidé hier soir. Je vais me permettre de te le soumettre. Oh non, s'il te plaît, non, assez. Regarde-moi. Je t'aime, tu le sais. Alors pourquoi me tourmenter? Pourquoi te tourmenter? Le problème... c'est ta sensualité. Sensuelle, donc condamnée à l'infidélité. Par conséquent, il s'en passera de belle lorsque je serai mort. D'ailleurs, nul besoin d'attendre que je sois mort. Lui sourit-il tristement, sans s'apercevoir qu'elle tremblait de tous ses membres. Si j'y mets du mien, tu sauras me tromper même de mon vivant. Je n'aurai qu'à te forcer à passer toute une nuit dans un lit étroit. Nu auprès d'un jeune athlète, nu. Et on verra bien. Ah, ces deux allongés. Ah, ce lit si étroit. Et moi, artisan de mon malheur. Bien sûr, tu résisteras à la tentation. Bien sûr, tu te voudras fidèle. Mais ce lit sera si étroit. Et par conséquent, ta cuisse délicieusement contre la cuisse athlétique. Alors que se passera-t-il, mignonne? Réponds. Laisse-moi tranquille. Vous êtes plus dur pour les femmes que pour les hommes. Oui, parce que je les respecte. Parce que je suis fils de ma mère. Parce que je les respecte. Il le dit ça aussi, Solal, quelque part, dans Belle du Seigneur. Ces êtres qui sont... qui ont un cœur si beau, si extraordinaire, s'amouracher pour des casus clés. Non. L'homme est toujours le seigneur, le dominateur. Solal, c'est un petit peu aussi la force, puisque vous en parlez. Oui, mais il déteste la force. Ah oui, mais il en joue. Il en joue, bien sûr, parce qu'il le faut. Pourquoi le faut-il ? Non, malheureusement, parce qu'il veut continuer à vivre. Et puis, il est contradictoire. Il est contradictoire. Il a essayé de la belle séduction, de la grande séduction. Il lui a fait une... Quand il était le vieil affreux, il lui a fait une déclaration la plus belle qui existe dans le monde. Et jamais on l'a. Jamais. Seulement, à quoi ça a servi ? Et c'était beau, c'était très beau cette déclaration qu'il lui a faite. Oh, c'était beau ça. Cette robe te va très bien, sourit-il pour être bon, assis à la turque sur le canapé. Et maintenant, je t'écoute, chérie. Le roman de Conrad, donc, relit le début. Elle prit le livre, éclaircit sa gorge, s'appliqua. Malheureusement pour elle, le roman commençait mal, car le héros était un énergique capitaine au long cours. Soucieuse de lire avec des intonations justes, elle lui donna des accents virils. Et Solal souffrit. Une voix grave, une voix chaude. Plus que jamais, elle avouait comment elle l'aimait, comment il les lui fallait. « Assez !» clapit-il avec un fossé insupportable. « Assez, je réclame un minimum de décence. Mais sois tranquille, tu peux m'aimer encore. » ajouta-t-il de sa voix normale. « Je peux encore tuer et engendrer mon homme. Tout fonctionne. Sois tranquille. Je vaux 3 capitaines. » Bien, bien, revenons au naufrage. Il déserte, donc. Et si le seul rescapé avec toi était le valet de chambre de tout à l'heure ou encore un pasteur, ou même un regrettable rabbin, et que jamais, plus jamais, toi et ton compagnon de naufrage ne puissiez sortir de votre île. Alors, aimé, je t'en supplie. Je suis si fatiguée. Le front contre la vitre et les yeux fermés, il la voyait qui avait maintenant sa tête contre une poitrine immense et lisse. Et voilà, dans son île parfumée, elle l'avait complètement oubliée. Et voilà, avec le type, les mêmes baisers qu'avec lui les premiers temps. Des baisers encore pires, peut-être, à cause du climat, des baisers à langue, que veux-tu, d'une obscénité rare. Il commençait à la désirer lorsque, se retournant, il aperçut les saccades de la malheureuse étendue à terre qui sanglotait la tête contre le tapis. Il la prit dans ses bras, la souleva, la déposa sur le lit, la recouvrit d'un manteau de fourrure car elle claquait des dents. Sur la pointe des pieds, il alla à la salle de bain, en revint avec une bouillotte chaude qu'il introduisit sous la fourrure. Il éteignit le lustre, alluma la lampe de chevet, s'agenouilla. N'osa pas lui baiser la main, lui murmura de l'appeler si elle avait besoin de lui, et il s'en fut peu fier sur la pointe des pieds. Au salon, près de la porte doucement refermée, il se tint debout dans l'obscurité. Allant et venant, guettant des bruits, contemplant leur pauvre vie, fumant des cigarettes et parfois appuyant le bout incandescent contre sa poitrine. Enfin, il se décida, ouvrit avec précaution, s'approcha du lit, se pencha sur l'innocente qui dormait, débarrassée de son malheur, sa femme qu'il faisait souffrir, celle qui lui avait donné sa foi, la danseuse émerveillée du Ritz, enthousiaste de partir et de vivre à jamais avec lui, sa naïve, sûre d'un bonheur éternel, son âme aigrie. À genoux, les joues illuminées de larmes, il veilla sur son innocente qui dormait, enfantine, sa femme qu'il faisait souffrir. plus jamais, plus jamais, plus jamais je ne te ferai du mal, lui disait-il en lui-même. De toutes mes forces, je t'aimerai et tu seras heureuse. Tu verras. Solal, je vais vous dire, c'est Lucifer. C'était l'ange qui adorait Dieu. Et puis il s'est aperçu que Dieu est un salaud. Et alors il est devenu le diable. Il est devenu le diable. Oui, mais un diable tellement bon. Oui, justement. Tellement bon. J'aimerais apprendre. Tellement aimant. Une fois, je me suis dit, si j'ai quelque chose, c'est que j'ai l'œil méchant. Mais le cœur bon. Et l'œil est méchant à cause d'un assez grand nombre d'expériences décevantes. Cynisme, scepticisme, ulcération, blessure, tout ça c'est vrai. Mais j'aime. Tu ne peux pas savoir à quel point j'aime. Alors, l'enfant est resté vivant chez moi, mais je suis en même temps devenu, malheureusement, un crocodile. Aussi en même temps, mais c'est un crocodile qui a un cœur d'enfant. Oui, vous aimez, mais je trouve que l'image que vous donnez de l'amour est absolument désespérante. Parce que c'est désespérant. Mais comment voulez-vous qu'il soit vraiment heureux quand il pense qu'il a fait la plus sincère déclaration d'amour qu'on puisse imaginer? Parce qu'il l'aimait vraiment. Il était prêt à devenir, non pas le maître, mais le frère humain de cette femme. Et puis quoi? Elle lui a lancé le cheveu, puis elle est à fond. Comment, tu n'as pas de dents? Et tu veux que je t'aime? Tu n'as pas de dents? Estimait sans doute en avoir le droit, ce qui était assez agaçant. Oh, leurs monotones jonctions, toujours les mêmes. À Cannes, le dernier soir du truc Van Stedt, cette infirmière danoise qu'il avait fait appeler au Carlton pour un faux malaise, cette infirmière qui ne lui était rien, dont il ne savait même pas le prénom, et avec qui le plaisir avait été bouleversant. Pas un mot n'avait été échangé. La volupté absolue dans le silence, sauf les halètements d'elle. À minuit, rhabillée, la muette de tout à l'heure l'avait regardée, droit, d'un bleu regard sans reproche, et lui avait demandé, faux col en pesée et manchette en pesée, si elle devait revenir demain à la même heure. Sur sa réponse négative, elle était partie, sans un sourire ni un regard d'allusion. Infirmière, décente. Talons bas et bonnet blanc sur les cheveux de l'un. Il irait seul à Paris. Il partirait ce soir. Et il vaincrait à Paris. Vaincrait pour elle. Et il lui rapporterait du bonheur. Enfin du bonheur pour sa chérie. Du bonheur pour sa bien-aimée. Son assistance pourrait être reçue par le plus important, par le directeur. Assistance de malheureux, assistance juive. Et devant le directeur, soudain à gauche, souriant trop. Les mots couperaient de l'albinos après le coup d'œil au dossier. Naturalisation irrégulière, insuffisance de séjour préalable. Il est sorti et il a erré dans les rues, sans patrie et sans fonction. Un juif chimiquement pur. Il regarde sa main qui bouge, la baise pour n'être pas seul. Se remettre à spéculer à la bourse pour la vengeance d'être riche. Spéculer reste permis à un exclu. Tout peut être interdit à un paria, sauf de multiplier de l'argent par une opération de l'esprit. Ultime réconfort. Non, non plus le courage de spéculer. Du courage, il en a eu pourtant après l'échec. Oui, chérie, le courage d'aller mendier des protections. De la rue, qu'il avait sorti de sa misère de journaliste miteux, dont il avait fait son chef de cabinet au ministère du Travail, inspecteur général maintenant. Le ton protecteur de l'ancien subordonné. Ah, mon cher, on n'annule pas comme ça un décret de dénaturalisation. Après son refus d'intervenir, il a offert un whisky au déchu parasé. Lui a parlé de son activité si intéressante de délégué gouvernemental au Bureau international du travail. Les autres anciens amis, encore pire, tous le recevant debout dans l'antichambre, tous au courant du scandale, tous au courant de la révocation, tous au courant du décret de dénaturalisation, tous les mêmes formules. Je n'ai pas qualité pour intervenir. Ah, pas de fait nouveau justifiant une annulation du décret. Ah, que voulez-vous, mon cher? Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Quelques-uns se sont même offert le plaisir de le plaindre, tout en le dirigeant doucement vers la porte. Ah, évidemment, mon pauvre ami, c'est bien triste. Et dans les yeux de tous, la méfiance, une hostilité, une peur. Les hommes n'aiment pas le malheur. Dans la pénombre, il déambule, s'arrachant de temps à autre un cheveu, sourcil français. Banni, exclu. Comme activité, dans le dehors, il ne lui reste plus que le commerce, le maniement de l'argent, comme ses pères du Moyen-Âge. Dès demain, ouvrir une boutique et s'installer prêteur sur gage. Et sur la porte de la boutique, une plaque de cuivre. Faire graver noble usurier sur la plaque de cuivre. Non, non, se tenir terré dans ce Georges V, se consoler par une vie de confort. Ici, dans cette chambre, il a le droit de faire ce qu'il veut, de parler hébreu, de se réciter du ronsard, de crier qu'il est un monstre à deux têtes, un monstre à deux cœurs, qu'il est toute la nation juive, toute la nation française. Ici, tout seul, il pourra porter la sublime soie de synagogue sur les épaules. Et même, si ça lui chante, se coller une cocarde tricolore sur le front. Ici, terré, solitaire, il ne verra pas les regards méfiants de ceux qu'il aime et qui ne l'aiment pas. Aller à la synagogue tous les jours? Qu'a-t-il de commun avec ces convenables murmureurs en chapeau melon qui attendent impatiemment la fin de l'office, ne négligent pas leurs petits intérêts commerciaux ou mondains, touchent le bord de leur chapeau lorsqu'un affluent passe, et à la cérémonie de majorité religieuse s'attendrissent de voir, lisant les prophètes, leurs garçonnets, habillés en petit monsieur avec melon minuscule. Frissonnant soudain devant l'Éternel, il récite les 18 bénédictions de l'office du sabbat. On s'aime bien, nous deux, sourit-il à la glace. Et il va examiner la serrure de la porte. Oui, fermée à clé. Pour plus de sûreté, il tourne le verrou, vérifie la fermeture en appuyant sur la poignée et en essayant d'ouvrir. La porte résiste. Donc, on est à l'abri, en sécurité. On est entre nous maintenant, dit-il. Et il entre dans le lit tiède et dégoûtant. Sourit pour conjurer. Et d'ailleurs, il y a la pancarte qui le protège, suspendue dehors. Il tire les couvertures à lui, fait aller et venir ses pieds nus pour sentir la douceur des draps, sourit de nouveau. Les lits ne sont pas antisémites. Et maintenant, que faire? L'amour? Vers Ariane, vers sa patrie? Oui, partir ce soir, faire les valises, s'habiller, aller à la gare. Les valises mises à la consigne, il erre dans le boulevard Diderot, attendant que le train soit formé. Soudain, dans la nuit et les lumières embrumées, il reconnaît, sorti de la gare et allant à la file, par deux ou par trois, les uns en large feutre noir trop enfoncé et écartant les oreilles, les autres en plat bonnet de velours bordé de fourrure, tous en noir manteau interminable, les vieux avec des parapluies fermés, tous chargés de valises, dos voûtés et pieds traînants, avec passion discutant, il les reconnaît ses bien-aimés pères et sujets, humbles et majestueux, les pieux et de stricte observance, les inébranlables, les fidèles à barbe noire et pendante, mèche temporale, plaignés et absolus, étranges en leur exil, fermes en leur étrangeté, méprisés et méprisants, indifférents aux moqueries, eux-mêmes fabuleusement, allant droit dans leur voie, fiers de leur vérité, méprisés et moqués, les grands d'entre son peuple, venus de l'Éternel et de son Sinaï, porteurs de sa loi. Alors, dans la nuit noire, où une pluie fine et froide lentement tombe, debout devant la vitre et ses rideaux, leur roi solitaire balance à son tour son buste, le balance au rythme immémorial, chante en la vieille langue un cantique à l'Éternel, le cantique que Moïse et les enfants d'Israël ont chanté à l'Éternel qui les a délivrés de la main du Pharaon, qui a précipité les Égyptiens au milieu de la mer, et les eaux ont recouvert les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon. Et il n'en a pas échappé un seul. Mais les enfants d'Israël, eux, ont marché à sec au milieu de la mer, et les eaux ont formé comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Et ils ont vu sur le rivage les Égyptiens étendus et morts, et cela était bien. Que l'Éternel soit loué. Et qui est comme lui, magnifique en sainteté et digne de louange? Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Les chevaux et les cavaliers, il les a précipités dans la mer. Alléluia. Devant toi me voici, dit-il. Me voici un vieillard, mais de toi attendant le miracle. Me voici faible et pauvre, blanc de barbe et de dents seulement. Mais nul ne t'aimera et ne te connaîtra comme je t'aime et te connais, ne t'honorera d'un tel amour. Deux dents seulement, je te les offre avec mon amour. Veux-tu de mon amour? Oui, dit-elle, et elle humecta ses lèvres sèches, essaya un sourire, une frousse épouvantable. Gloire à Dieu, dit-il, gloire en vérité, car voici celle qui rachète toutes les femmes. Voici la première humaine. Il le croyait, intelligent, génial, et complètement pur et enfant. Ainsi sommes-nous. Ainsi est-il, je veux dire, pardon. Ce tourment d'absolu, de pureté qu'il a, il ne le rencontre pas, il ne le trouve pas réalisé. Et alors c'est pour ça qu'il raconte toutes ces histoires, que Pétrarque, si l'or était cul de jatte, donc c'est des cuisses qu'il veut, c'est ça, c'est tout, cet amour. Il revient à ça tout le temps, mais c'est la déception de l'ange déçu, déchu, tombé, et ce n'est pas sa faute. Marcel Pagnol m'a dit une fois, Albert, tu te crois malin, c'est ta naïveté qui est admirable. Mmh. premier livre, ça a été parce que l'ennui agréable est venu avec une femme qui m'aimait, que j'aimais, qui était intelligente. Et puis j'ai senti le besoin de faire quelque chose pour elle. C'est pour ça que j'écris ce livre. Il n'y a pas du tout d'enfant dans Belle du Seigneur. Pourquoi Ariane n'a-t-elle pas eu un enfant? Pourquoi on a l'impression... Enfin, parce qu'un enfant, ce n'est plus Tristan et Isolde. Une des parties que j'aime le mieux, c'est la partie de la jalousie. Ma femme, qui n'ose jamais rien me dire, qui respecte, était contre toute cette partie de la jalousie. Parce que, il est affreux. Ils vont d'un hôtel dans un autre. En réalité, il fait ça pour mettre de l'animation. En fin de compte, par bonté, pour qu'elle continue à vivre. Qu'elle ne s'ennuie pas. Ces brutalités avec elle aussi, c'était pour ça. Il leur faut des toboggans dans la passion. Et pourquoi avec un enfant, ce serait plus Tristan et Isolde? Pourquoi pas? Non, parce qu'un enfant... empêche la sexualité, puisque c'est ça qu'ils font tout le temps. Or, il a misé sur la passion. Ils ont misé sur la passion. Jusqu'à cette chose ridicule de faire des vinter-closettes invisibles ou musicaux. Je ne sais pas. Je me rappelle plus très bien comment ils ont fait ça. Chacun ayant sa salle de bain. Vous êtes un peu obsédé par ces problèmes-là dans tous vos livres. Non, je suis aussi obsédé par ça. J'ai l'impression que vous avez une espèce d'horreur du corps. Oui. Oui. Pourquoi? C'est drôle. À un certain moment, de grande passion, les vrais délices sexuel, il les a avec une infirmière à Cannes. Ouf. Et qu'est-ce que vous allez tirer de cette conversation, hein? Qu'est-ce que vous allez tirer de ça? Porte refermée, elle s'avança lentement, s'arrêta devant le lit. À ses poings fermés, à sa démarche solennelle, il la sentit décidée à une entreprise insolite. Les yeux baissés, l'air concentré, elle demanda si elle pouvait s'étendre auprès de lui. Il s'écarta pour faire de la place. J'ai quelque chose de grave à te dire, fit-elle après lui avoir pris la main. C'est un secret qui est trop lourd à porter. Aimer ne me juge pas mal. Je n'aimais pas mon mari, je me croyais anormale. J'étais si seule. Est-ce que je peux tout te dire? Il ne répondit pas. Un soudain afflux de sang pesait sur ses poumons, embarrassait sa respiration, l'empêchait de parler. Il savait qu'elle attendait un mot d'encouragement pour continuer. Mais il savait aussi que s'il parlait, elle serait terrifiée par le son de sa voix. Qu'elle ne dirait plus rien. Il fit oui de la tête, lui caressa l'épaule. Dis, Aimé, ce ne sera pas mal entre nous après. Il fit non de la tête, lui serra la main. Mais il sentit qu'il fallait parler pour la rassurer, pour lui faire tout dire. Après avoir respiré largement pour maîtriser son émoi, il lui sourit. Non, chérie, ce ne sera pas mal entre nous. Tu m'écoutes en ami, n'est-ce pas? Oui, chérie, en ami. C'était avant de te connaître, tu comprends. Horreur de ce corps près de lui. Mais il lui caressa les cheveux. Et puis cette vie triste auprès d'un homme que tu n'aimais pas. Merci de comprendre. Elle esquissa un pâle sourire, distingué et souffrant, qui le mit hors de lui. Et cela a duré jusqu'à quand ? Demanda-t-il tout en continuant la caresse des cheveux. Le lendemain du rite, je lui ai naturellement écrit pour lui dire que tout était fini. Tu l'as revue ensuite ? Oh non ! Dents tremblantes, il mordit sa lèvre pour y dériver sa fureur. Elle s'offrait de l'indignation vertueuse par-dessus le marché. Tout serait payé. Quand l'as-tu vue pour la dernière fois ? Elle resta silencieuse. Lui reprit la main. Cette noblesse l'enragea. Mais patience. D'abord savoir. Je ne pouvais pas me douter, murmura-t-elle, les yeux baissés. Le jour du Ritz ? Oui. Elle lui serra très fort la main. À quel moment ? Je peux vraiment te parler ? Elle le regarda, eut un faible sourire de gratitude, lui baisa la main. Juste avant de partir de Coligny, je lui ai téléphoné pour lui dire bonsoir. Pour lui dire que je devais aller rejoindre mon mari au rite. Et il m'a tellement supplié d'aller le voir un moment. Alors tu y es allée ? Oui. Et que s'est-il passé ? Elle ne répondit pas, baissa la tête. Il la poussa hors du lit et elle tomba à terre, resta ridiculement assise, les pans de sa robe écartés découvrant ses cuisses entrouvertes. Affreux ce sexe déjà utilisé, visité. Sans se relever, elle referma sa robe et il serra les poings, ferma les yeux. De la pudeur. Elle osait avoir de la pudeur. Ainsi donc, ce soir du Ritz, elle avait couché avec l'autre. Et 3 heures après, elle avait osé lui baiser la main de l'inconnu qu'il était, ses lèvres encore mouillées de l'autre. Couché, elle avait couché. Et 3 ou 4 heures après, lorsqu'ils avaient été chez elle, dans le petit salon, elle avait fait la Vierge de devant le piano. Elle lui avait joué un choral, une musique de pureté. Et 4 heures auparavant, cuisse écartée, la joueuse de Bach. Laissez-moi aller, laissez-moi penser à ce qui m'arrive, lui avait-elle dit cette nuit-là en le quittant. Avait eu le front de lui dire la Vierge coucheuse, avec accompagnement de nobles minois concentrés, religieuse, intouchable, la Vierge qui avait touché Dieu, savait quoi 5 heures auparavant ? Oh, cette robe de chambre pudiquement ramenée. Écarte ta robe. Non. Écarte, comme avec lui. Non. Elle la regarda, les yeux imbéciles, la bouche entrouverte. Elle se releva, noua la ceinture de sa robe. Il eut un rire. C'était avec lui seulement qu'on se couvrait. Lui seul n'avait pas le droit de la voir nue. Bondissant hors du lit, il tira la légère robe qui se déchira tout du long. Il en arracha les 2 pans pour la voir s'enfuir avec ses fesses déshonorées. Entré aussitôt chez elle, il eut pitié de son épouvante, tandis que maladroitement, elle passait une autre robe de chambre, créature de faiblesse, victime désignée. Mais quoi, l'autre aussi avait vu les fesses de tout à l'heure, les mêmes, pas remplacées. Toujours, lui avait-elle dit au Ritz, lorsqu'ils avaient dansé, et 3 heures auparavant, les cuisses hospitalières et le sourire accueillant. Tu as couché avec lui le soir du Ritz ? Non. Tu as été sa maîtresse ? Elle secoua la tête, têtue, idiote, les yeux ronds. Gaffe de n'être pas maîtrisée, de l'avoir jetée par terre. Elle avait peur. Elle n'avouerait plus rien maintenant. Dis que tu as été sa maîtresse. Pas été sa maîtresse. Une bête qui faisait la morte. Il avait mal de l'avoir ainsi abrutie. Et des baisers, en tout cas. 3 heures auparavant. 3 heures avant le plus beau moment de leur vie. Tu n'as pas été sa maîtresse ? Non. Alors pourquoi m'as-tu dit que tu avais une chose grave à me dire ? Parce que c'est grave qu'il y ait eu quelque chose dans ma vie. Quelque chose ? Il vit une énorme virilité, recula devant la bestiale vision. Et elle, en ce moment, ce visage si pur, ce maintien si décent, terrible. Allons, développe ! Il n'y a rien à développer. Il n'y a eu qu'une amitié un peu exaltée, c'est tout. Tu as dit, est-ce que je peux tout dire ? Et ce tout ne serait qu'une amitié un peu exaltée ? Oui. Tu as couché ? Non ! Devant Dieu, non ! Cette exaltation solennelle le dégoûta. Quelle importance elle attachait à ses vianderies. Et puis mêler l'éternel à ses frottements, les mettre devant l'éternel. Venait-il chez ton mari ? Quelquefois. Pas souvent. Il frémit. Oh, l'impudente, qui avait osé montrer son amant à son mari. Par contre, avec lui, le premier soir, du bac, des émerveillements devant un rossignol, des gravités, des maladresses d'ignorante au premier baiser. Et les soirs suivants, un tas de trucs sublimes quand il arrivait, des agenouillements. La même femme qui avait présenté froidement l'amant au cocu. C'était sans doute cela, le mystère féminin. Allons, Ariane, laisse-moi t'estimer. Avoue la vérité. Tu as été sa maîtresse, tu le sais et je le sais. Il avait parlé si rapidement qu'elle n'avait pas tout compris, ce qui la persuada de la justesse du raisonnement. D'ailleurs, il avait parlé avec tant de certitude, du moment qu'il le savait, autant avouer. Oui, souffla-t-elle la tête baissée. Oui, quoi ? Ce que tu as dit. Sa maîtresse ? Elle fit signe que oui. Épouvantée, elle ferma les yeux, s'aperçut que c'était maintenant seulement qu'il le croyait. Un homme de poils et d'organes sur sa bien-aimée. Mais une seule fois. On en reparlera. Est-ce que tu as... Non. Comme elle comprenait vite la rouée, il posa plus clairement sa question. Elle rougit et il s'enflamma. De quel droit rougissait-elle ? Inlassablement, il répéta sa question et chaque fois, elle répondit que non. Mais à la 20e ou 30e fois, vaincue et en larmes, elle cria « Oui, oui, oui, oui !» Mais à peine, ajouta-t-elle après un silence, et elle eut honte, se sentit ridicule. Dehors, un chat enamouré déclara sa flamme. « Assez, Ditch !» cria Solal. Elle prit le parti de pleurer, ce qu'elle fit sans peine aucune, car elle n'avait qu'à avoir pitié d'elle, ce qui lui venait sans difficulté. « Pourquoi pleures-tu ? Il a été question d'un moment de bonheur, et cela te fait pleurer ? » ?»« Oui. »« Pourquoi ?» Elle se moucha, larmes stoppées par cet accueil sans sympathie. Il s'aperçut qu'elle avait le nez rouge, un peu enflé. Curieux. Il n'y en voulait pas en ce moment. Il regardait avec sympathie ce gros nez. Il répéta plusieurs fois son « Pourquoi ?» sans y penser, machinalement. Je ne sais pas ce que tu dis. Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi pleures-tu ? Parce que je regrette. Pourquoi ? Puisque tu l'as fait. J'ai horreur de cela, maintenant. Mais tu n'en avais pas horreur quand tu lui mordais la nuque. À propos, tu la lui mordais tous les jours ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Je ne l'ai jamais mordue. Eh bien, c'est toujours cela. Merci. Dorénavant, je te demanderai de me mordre la nuque. Puisque cela, au moins, tu ne l'auras pas fait avec lui. C'est d'ailleurs la seule chose que je te demanderai désormais. Elle mordit sa lèvre pour réprimer un fou rire sans gaieté. Combien de fois avez-vous couché ensemble ? Je poserai la question jusqu'à demain matin, s'il le faut. Je n'ai été à lui qu'une seule fois. À lui. Ses mots lui firent broyer le verre qu'il tenait dans sa main et du sang coula. Elle s'approcha, lui demanda de la laisser mettre un désinfectant. Oh diable, le désinfectant ! Pourquoi une seule fois ? Je lui expliquais que c'était mal. Il éclata de rire. Une institutrice expliquant au petit garçon que ce n'était pas bien ce qu'il avait fait, que c'était vilain. Soudain, inexprimablement heureux, il mit entre ses lèvres 2 cigarettes, les alluma, les fuma avec force et santé, alla et vint charmé de lui-même. S'arrêtant devant elle, ses 2 cigarettes entre l'index et le médius, il la regarda avec défi, joyeusement, et une lumière éclata entre ses lèvres. Encore transpirante, tu lui as expliqué. Non, le lendemain. Tu es retourné chez lui? Tu l'aimais? Tu as eu du plaisir la première fois? De la joie, comme tu dis noblement? Tu as eu de la joie? La joie? Et voilà, tu n'as plus voulu après. D'ailleurs, une fois ou 100 fois, c'est la même chose. Tu as couché 100 fois? Je te jure que non. 50? Non. 900? Non. 15? Mais j'ai pas compté, mon Dieu! Il s'assit, épouvanté, s'essuya le front de sa main sanglante. Elle n'avait pas compté. Il y en avait donc eu beaucoup. 15 fois, en tout cas. 15 fois au minimum. Parle! Que veux-tu que je dise? Ce que j'attends que tu dises. Allons, dis-le! Je n'ai plus rien éprouvé après cette première fois. Sally, diminuée, elle baissa les yeux. Oh, il ne l'aimerait plus maintenant. Il la regarda intéressée, éprouvée. Elle en trouvait des mots. Pourquoi? Quoi, pourquoi? Pourquoi n'as-tu plus rien éprouvé puisque la première fois tu en as éprouvé? Mais mon Dieu, je ne sais pas, je n'éprouvais rien, voilà. Pourquoi recommençais-tu alors? Pour ne pas l'offenser, oh, laisse-moi. Il sentit qu'elle avait dit vrai, la regarda avec curiosité. Vraiment une autre race. Pour ne pas l'offenser, où la politesse allait-elle se loger? Pourquoi venait-il chez vous? Les premiers temps seulement. Cela ne suffisait pas chez lui? Pourquoi chez ton mari? Parce que j'avais du plaisir à le voir, parce que mon mari était ennuyeux. Elle toussa comme une tuberculeuse, plus fort et plus longtemps que de besoin. Lui, il avait mal. Du plaisir à voir un autre homme, c'était pire que le couchage. Oh, son attente du ditch à la fenêtre. Et quand ton mari sortait du salon, vous vous embrassiez? Non, jamais. Cria-t-elle, il sut de nouveau que c'était vrai. Pourquoi? Parce que ce n'était pas bien. Il fit un long tournoiement de derviche, les bras écartés, le front sanglanté. La réponse était trop belle. Son tourbillon terminé, il alla contre le mur. Il frappa de son front. Il plaqua ensuite sa main blessée en comptant intérieurement. Il y eut 6 mains sanglantes. Mon pauvre. Mon souffrant, pensa-t-elle. Aussi au moins il a laissé soigner cette main. Est-ce que la blessure était profonde? Oh, et ce front tout taché de sang. Son pauvre chéri. Tout cela à cause de ce ditch. Il se retourna, regarda tristement cette femme d'un autre. Et il sortit. Où elle lui reproche? Où est-ce que c'est? Ah ouais. Oui. J'y suis. Les mots abominables que je dis et que je regrette après les avoir dit, paléolithique et babouine, si je les dis et ne peux m'empêcher de les redire, c'est parce que j'enrage qu'elles ne soient pas comme elles méritent d'être, comme elles sont au fond de mon cœur. Elles sont des anges, et je le sais, mais alors pourquoi la paléolithique derrière l'ange? Écoutez mon secret, parfois je me réveille en sursaut dans la nuit, tout transpirant d'épouvante. Comment est-ce possible? Elles, les douces et tendres, elles, mon idéal, et ma religion, elle aimait les gorilles et leur gorillerie. C'est la stupéfaction de mes nuits que les femmes, merveilles de la création, toujours vierges et toujours mères, venues d'un autre monde que les mâles, si supérieures aux mâles, que les femmes annoncent et prophétient de la sainte humanité de demain. Humanité enfin humaine que les femmes, mais adorables aux yeux baissés, grâce et génie de tendresse et lueur de Dieu. C'est mon épouvante qu'elle soit séduite par la force, qui est pouvoir de tuer, c'est mon scandale de les voir déchoir par leur adoration des forts. Mon scandale des nuits, et je ne comprends pas, et jamais je n'accepterai. Elles valent tellement mieux que ces odieux caïdes qui les attirent. Comprenez-vous ? C'est incroyable. Contradiction est mon tourment, que mes divines soient attirées par ces méchants velus. Divines, oui, sont-ce les femmes qui ont inventé les massues, les flèches, les lances, les épées, les feux grégeois, les bombardes, les canons, les bombes? Non, ce sont les forts, leurs virils bien-aimés. Et pourtant, elles adorent un de ma race, le prophète aux yeux tristes, qui était amour. Alors je ne comprends plus. Etc. En l'occurrence, le gorille, c'est vous, quand même. Quoi ? En l'occurrence, le gorille, c'est l'homme. Eh oui, il le faut bien. Oui, mais alors... Il le faut bien, oui. parce qu'elles en veulent. Oh. Alors, il ne veut pas. Oui, comme lui, il a besoin de cette maternité merveilleuse de la femme. Bon, il joue le jeu. Il joue le jeu. Non, ça, c'est une justification de mauvaise foi. Donc, Bien sûr que j'ai de mauvaise foi. Bien sûr que j'ai de la mauvaise foi. Il en faut bien dans la vie. Donc, pourquoi Solal est-il plus pur d'une certaine façon qu'Ariane ? Et plus pur ? Oui. Entre autres parce qu'il se juge comme il le mérite, comme un affreux. Mais le plus important mobile de cette rage, c'est autre chose. Mais le plus important mobile de cette rage, c'est l'espoir d'un échec et qu'une enfin lui résistera. Comme il parle bien des chats, vous avez des chats. Hein, oui. Soulève ta robe. Non. Soulève ta robe. Non. Puisque Ditch a vu, moi aussi je veux voir. Tenant sa main plaquée contre ses genoux, il commença à sangloter avec des grimaces, ce qui l'y mit hors de lui. Cette femme qui avait l'impudence d'éprouver de la pudeur, qui ne voulait pas lui montrer ce qu'elle avait montré à un autre. Pourquoi devait-il lui être le seul à qui on ne montrait rien ? Il répéta longtemps la monotone demande de soulever, ne comprenant même plus le mot sans cesse redit. Soulève, soulève, soulève, soulève ! À la fin, pour ne plus entendre cette voix, affolée, humiliée, elle souleva, montra ses longues jambes soyeuses, montra ses cuisses. Voilà, méchant. Voilà, homme méchant. Tu es content maintenant ? Son corps tremblait et son visage traversé par des ondes était effrayant et beau. Il s'approcha. Je suis ta femme. Pleurait-elle merveilleusement sous lui. Et il déferlait contre elle, qui déferlait contre lui, et qui lui disait de n'être plus méchant avec elle, qui lui redisait qu'elle était sa femme, et il adorait sa femme, déferlait contre elle. Ô aimante, exaspération, chant des chairs en lutte, rythme premier, rythme maître, rythme sacré, ô coup profond, frissonnante mort, sourire. Désespéré de la vie enfin qui s'élance et fait éternelle la vie. Ditch aussi comme moi, pensa-t-il, encore en elle. Ditch en ces mêmes parages. À peine avait-elle dit, mais ce à peine c'était du mensonge. On ne pouvait pas éprouver à peine, pensait-il, toujours en elle. Et si elle avait éprouvé une fois, pourquoi pas les autres fois ? Et d'ailleurs, si c'était vrai qu'aucun plaisir par la suite, elle n'aurait pas continué. Donc, oui, chaque fois avec Ditch. Il s'écarta. Elle vit les yeux fous et nus, bondit hors du lit, ouvrit la porte-fenêtre, s'enfuit dans le jardin et tomba. Je t'en supplie. Tu n'es pas méchant, je le sais. Reviens-toi, Sol. Ce n'est pas mon nom. Si tu ne me dis pas mon vrai nom, jamais plus je ne t'embrasserai, jamais plus. Ou plutôt, appelle-moi Monsieur Trois. Non. Pourquoi? Parce que je ne veux pas te déshonorer. Parce que tu es mon aimé. Je ne suis pas ton aimé. Je ne veux pas d'un mot qui a servi pour un autre. Je veux un mot rien que pour moi, un mot vrai. Allons, collectionneuse, un peu de vérité. Dis-moi, Monsieur Trois. Non, dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Belle, intimidante. Il l'admira. Aussi songea-t-il à lancer la saucière et son contenu contre le mur. Mais cela ferait des histoires avec l'hôtel. Il renonça donc et tourna le bouton du poste de radio. L'affreux Mussolini parlait et tout un peuple l'aimait. Et lui, que faisait-il? Il torturait une femme sans défense. Si au moins elle pouvait tout à coup lui crier son dégoût de Ditch et que jamais elle n'avait eu du plaisir avec cet homme. Mais les seuls mots, même menteurs, qui l'auraient calmé, elle ne les disait pas, ne les dirait jamais, trop noble pour renier ou salir ou ridiculiser son ancien amant. Il l'en respectait et il l'en haïssait. Reviens à toi, dit-elle en lui tendant les mains. Il fronça les sourcils. De quel droit le tutoyait-elle? Sol, reviens à toi. Pas mon nom. Je reviendrai à moi si tu me le demandes correctement. Allons, courage. Monsieur Trois, revenez à vous. Ce qu'il y a, c'est qu'à la fin, il y a une espèce d'Ingrid qui est venue. Enfin, ça, c'est assez lamentable. Vous dites que c'est lamentable. Pourquoi l'avoir voulu lamentable? Quoi? Ingrid, par exemple. Ah oui, Ingrid, ouais, parce que c'est... C'est ainsi que ça arrive, certaines choses. Elle pense qu'ainsi, elle le gardera d'une manière infernale. Parce qu'elle est affolée en voyant que tout est en train de périr. Cette espèce de... Par amour, elle lui donne cette Ingrid. Mais par amour, pas par vice. C'est une espèce de sacrifice qu'elle fait pour le garder. C'est pas mal les scènes de jalousie, hein, ce qui lui en fait voir. Moi, par jalousie, une fois à Claren, j'ai jeté une commode par-dessus la fenêtre dans un hôtel. Pour ne pas faire du mal à la femme, j'ai fait du mal à la commode. J'ai jeté une petite commode par la fenêtre. Scandale de l'hôtel. Il a fallu payer la commode démolie. Ouf. On a un petit peu envie de vous demander, oui, si vous n'êtes pas Solal. Moi, pas du tout. Il n'a pas écrit. Il n'a pas écrit ses livres. Non, bien sûr que non. Non. Pas du tout. Il frappa le beau visage. Je te défends. Ne me frappe plus pour toi, pour notre amour, ne me frappe plus. Pour couvrir sa honte par une honte plus forte, il frappa encore. Seul, mon bien-aimé. Il lâcha les cheveux bouleversés jusqu'au fond de l'âme par cet appel. Mon amour, non, il ne faut plus. Ne me fais plus cela, mon amour, pour toi. Pas pour moi, mon amour. Laisse-moi te respecter, mon amour. Une fois de plus, il l'a pris dans ses bras. Une fois de plus, il la serra contre lui. Jamais plus, jamais plus. Les deux visages mouillés étaient collés l'un à l'autre. Infâme. Il était un infâme d'avoir frappé cette faiblesse. Sainte faiblesse. Aide-moi, aide-moi, suppliait-il. Je ne veux plus te faire de mal. Tu es ma chérie. Aide-moi. Il se détacha. Et elle eut peur de ses yeux qui voyaient. Un autre l'avait bien plus déshonoré, et elle le respectait pourtant, le déclarait honnête. Ditch lui avait porté des coups plus ignominieux, et elle n'avait pas pleuré en les recevant. Elle n'avait pas supplié Ditch de s'arrêter. Elle ne lui avait pas dit « Je te défends, ne frappe plus !» Tant de mois ensemble, elle et lui, et elle avait su si bien lui cacher. Et surtout, surtout, ses maladresses de vierge, les premières nuits à Genève. Elle qui avait touché le Ditch. Touché, cria-t-il, et il la poussa. Tombée à terre, les mains au visage meurtri, elle ne pleurait plus. Elle regardait, jonchant le tapis, les débris d'assiettes et de verres, les bouts de cigarettes, regardait sa vie. Son amour finissait dans l'abjection, l'unique amour de sa vie. Oh, le jour où elle attendait son retour. Oh, la robe voilière claquant au vent de la marche. Et maintenant, une femme que son amant frappait. À terre, accoudée à un fauteuil, elle ramassa le collier de perles qui s'était détaché, le beau collier qu'il lui avait offert, le regard d'enfant ravi qu'il avait eu en ouvrant l'écrin. Elle enroula le collier autour d'un doigt, le déroula, le posa sur le tapis. En fit un triangle, puis un carré. La douleur la sensibilisait, et elle était une petite fille qui jouait. Peut-être jouait-elle aussi par comédie, pensait-il, pour montrer à son bourreau combien le malheur la rendait à garde. Va-t'en. Elle se leva, retourna dans sa chambre, le dos courbé. Alors, il s'épouvanta de sa solitude. Oh, si elle pouvait revenir d'elle-même et avoir un geste de pardon. L'appeler, oui, mais sans lui montrer ce besoin qu'il avait d'elle. Chienne ! Elle entra, élégante, lasse, grelottante. Voilà. Phil. Bien. Et elle sortit. Il se détesta, jeta une cigarette commencée, en alluma une autre, l'écrasa, sortit de sa valise le poignard démasquiné. Cadeau de Michael, le lança haut, le rattrapa, le remit dans sa gaine, appela de nouveau « Putain !» Il revint aussitôt, et il pensa qu'elle se vengeait par de la soumission. « Voilà. » Debout, ordonna-t-il. Il se retourna, se releva lentement, vint devant lui. Allons, bouge ton âme. Que veux-tu encore de moi? La danse du ventre. Elle fit signe que non, le regard droit, les poings fermés. De rage tremblante, il se mordit la lèvre. Ainsi donc, s'il demandait une modeste danse du ventre, une danse simplement du ventre, fin de n'en recevoir. Mais avec l'autre, la danse du giron dès que l'autre voulait, autant que l'autre voulait. Oh, les allées et venues compétentes de ses reins, de ses hanches, sous le chimpanzé à crinière blanche, et elle s'accrochait à cette crinière. Oh, les deux ignobles, oh, cette chienne et son chien, ces deux bêtes ahanantes, leurs transpirantes collisions, leurs odeurs, leurs sécrétions. Elle toussa, et il la vit. Si lamentable, l'ancienne chienne pantelante, la jouissante de Titch, blanche et amaigrie, debout devant lui, mortellement lasse et les poings fermés. Pauvre petit point de courage, si lamentable avec son imperméable, sa combinaison, ses bas écroulés, son nez grossi, ses paupières enflées de larmes, ses beaux yeux cernés de bleu malade. Sa chérie, sa pauvre chérie. Oh, maudit amour des corps, maudite passion. Ce qu'il y a de grand dans le vrai amour, c'est que tu deviens à la fois le fils et le père de celle que tu aimes. Et que tu vieillis avec elle. Ça, c'est important. Mais le reste, vous savez, le reste... Écoutez, imaginez une chose. J'en viens à Anna Karenine. Imaginez que le tsar, pris d'un grand élan de cruauté, lorsqu'il voit Anna Karenine éblouie d'amour immédiate, fatale, de son Vronsky, s'il les condamne, les deux, à être enfermés dans une chambre et être copieusement purgés, l'un et l'autre, et ne pas pouvoir sortir de cette chambre, eh bien, je vous garantis que cet amour magnifique a disparu. Cet amour qui était en train de naître a disparu. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont vus de pauvres êtres, tous les deux, soumis à l'impératif terrible, humiliant de leur organisme physique. Et c'est fini, et c'est fini, c'est fini cet amour. Et si Roméo perd toutes ses dents à la suite d'une maladie, et que ça arrive le deuxième jour où il a fait connaissance de Juliette, c'est fini, et Juliette ne le trouve pas admirable. C'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la fameuse passion vit sur le mensonge, vit sur des choses qu'on ne veut pas voir, auquel on ne veut pas penser, qu'on ne veut pas croire. Parce que on fait du théâtre. On fait du théâtre. L'un et l'autre fait du théâtre. L'un et l'autre font des mensonges. Ne s'avoue pas des pauvres êtres à diarrhée. Parce que ça tue un amour à ses débuts. Alors je n'y crois pas, moi. À cette passion, je n'y crois pas. Tandis que ce que j'appelle l'amour nuptial, j'y crois tout à fait. Qu'est-ce que vous appelez l'amour nuptial ? Je vous redis, l'amour nuptial, c'est l'amour dans lequel la femme devient la mère et la fille de son mari. Ça ne meurt pas. La passion vit de faux semblants, ne naît que parce qu'elle est pleine de faux semblants. Il y a des choses qui reviennent tout le temps dans mes livres. Solal dit à un certain moment, et si j'avais une maladie qui fait que je perds mes bras et mes jambes et mes cuisses et que je suis un tronc seulement, ça peut arriver une maladie comme ça, où on doit couper ses jambes et que je suis un homme tronc. Est-ce que tu continueras à m'aimer avec cette folie d'amour que tu as en ce moment pour moi ? Non. Il n'y a quand même pas que des Roméo et que des Juliette qui s'aiment. Il y a des gens qui sont très laids, qui n'ont pas de dents ou à qui il manque des dents. Et qui sont aimés et qui vivent des passions. Lorsque vous vous promenez dans la rue, vous ne rencontrez pas que des... Vous croyez vraiment... Je reviens à mon Vronsky. Vous croyez vraiment que s'il était complètement dépourvu dedans et qu'en parlant, qu'en disant de très belles choses à Anna Karenine, si tout d'un coup il perd son dentier, qu'elle va l'aimer comme ça, l'aimer, lâcher son fils, lâcher son pauvre mari qui est un brave type. Non, pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle l'aime à cause de ses dents, à cause des petits morceaux, des tout petits morceaux. Et son amour ne pèse, des petits morceaux qui pèsent 2 grammes chacun. Alors pour 8 grammes de dents qui ont disparu, c'est fini. J'ai raison. D'ailleurs, dans Belle du Seigneur, il a truqué ses dents. Elle avait peur de se dédenter. Elle avait peur, elle lui a lancé une chose lorsqu'il s'est approché d'elle. Et est-ce qu'un homme alors pourrait aimer une femme qui n'aurait pas de dents? Eh bien, parce que moi je suis un homme méprisable. Parce que si je tombe amoureux d'une femme uniquement parce qu'elle a des dents, je suis un homme méprisable et je me méprise. Ça choque tout ce que je dis, je sais. Pourtant, c'est la vérité. La vérité est choquante. Pénible. Pénible. Il y a quelque chose chez les Juifs. Ça. Les Juifs pratiquants, l'habitude, c'est que la femme se fait couper les cheveux. Parce que les cheveux sont... un ornement de beauté. Et il ne faut pas qu'il l'aime parce qu'elle est belle. Tout ça est très pénible et fort peu grec. C'est pour ça que Mangeclou et Salomon ont des femmes qui sont... affreuses. Affreuses. Mais Saltiel, à l'image de cette fiancée... cette fiancée. Magnifique. Oui, oui. Oui, mais justement, elle n'a pas vécu. Oui. Elle n'a pas vécu. Mais Mangeclou est un moraliste quand il dit qu'il faudrait que sur les murs du métro, il y ait partout les amants font caca. Au lieu de du bonnet, les amants font caca. Était resté allumé dans la chambre où le soleil de midi filtrait à travers les rideaux tirés. Immobile dans le lit, les yeux grands ouverts, il écoutait les bruits des vivants du dehors, suivait les petites ombres actives circulant à l'envers sur le plafond, au-dessus des rideaux, les pieds en haut et la tête en bas, minuscule silhouette allant vers des taches sonnettes. Voilà de nouveau à Genève, de nouveau au Ritz. Attentif à ne pas la toucher, il se pencha pour la regarder. Absurde fillette fardée, dormant à son côté, ou feignant de dormir, gavée d'éther, lamentable avec sa petite jupe de tennis à mi-cuisse. Ses jambes nues, ses chaussettes, ses pantoufles pour se faire petite, ses anglaises enfantines, son nœud de ruban rose. Il prit le flacon d'éther qu'elle tenait contre elle, le déboucha, aspira. Elle se retourna, murmura qu'elle en voulait aussi, aspira à son tour, plusieurs fois, lui rendit le flacon. « Ne me regarde pas, » murmura-t-elle. Elle se rencogna, ferma les yeux. Oh, les vacances à la montagne avec Eliane, le chalet, les bruits des faux martelés. Oh, ces sons clairs venus de loin, sons purs dans l'air de diamant, sons de l'été, sons de l'enfance. Elle se redressa, veillant à ne pas le toucher. Regarda le petit réveil, décrocha le téléphone, demanda le déjeuner. Non, pas de table, un plateau seulement, merci. Elle raccrocha et reprit l'éther, aspira longuement les yeux fermés, tout au froid sucré qui entrait. Hier, dans la rue, la Kanakis l'avait regardée avec curiosité, sans la saluer. L'autre jour, la cousine Saladin avait fait semblant de ne pas la voir. Elles avaient joué ensemble quand elles étaient petites. Entrée dans leur salle de bain, elle rabattit le siège laqué blanc, se ravisa. Non, il pourrait entendre. Tiens. Je songe encore à ne pas lui déplaire. Un peignoir sur son déguisement de fillette, elle sortit dans le couloir, poussa la porte d'une des toilettes communes, tourna le verrou, releva le bas du peignoir, s'assit sur le siège laqué blanc, posa à terre le flacon d'éther qu'elle avait emporté, se leva, actionna la chasse d'eau, resta à regarder la petite cataracte dans la cuvette de faïence, se rassit, tira une feuille de papier hygiénique, la plia en deux, puis en quatre. Oh, le jardin de Tante Léry. Les petites lampes roses du cognassier éphèbe, le mirabellier fendu, la résine à cajou qui en sortait et qu'elle pétrissait avec ses doigts, le banc près de la petite fontaine qui coulait toujours un peu et où les mésanges venaient boire, le vieux banc vert délavé par la pluie. C'était exquis d'enlever les écailles vertes. Oh, le jardin de Tante Léry. Le vieux Wellingtonien indulgent qui se berçait lui-même. Les trois branches de l'abricotier fleuri qui s'inscrivaient légèrement au carreau de la fenêtre. L'oiseau annonciateur de la pluie qui répétait son cri monotone. Oh, les pluies d'été dans le jardin, le rythme de la gouttière lorsqu'il pleuvait, l'eau qui tombait du chéneau sur la tente de toile, la large tache qui s'était formée, là. Oh, ce bruit large et bien rythmé qui se détachait sur le long bruissement de la pluie d'été, ainsi que le solo d'un grand orchestre. Elle restait longtemps à l'écouter. Écouter la pluie, heureuse. J'étais heureuse, murmura-t-elle sur son siège, assise. Elle tira une autre feuille de papier hygiénique, en fit un cornet qu'elle jeta. Puis elle se leva, se regarda dans la glace. Elle n'était plus une petite fille. Ses deux plis esquissés à partir des commissures. J'étais heureuse, murmura-t-elle, sur son siège, assise. Et elle se pencha pour prendre le flacon d'éther. Aspira, sourit à l'air froid entré. Voici qu'il gèle à pierre fendre, chantonna-t-elle sur l'air d'autrefois, air de son enfance. Elle eut un sanglot sec, voulu, affreux. Oh, les jeux avec Eliane. Quand on jouait à la persécution des chrétiens, elle était sainte Blandine, livrée au lion par les païens. Eliane faisait le lion, rugissait dans un entonnoir. Ou bien elle était une héroïque vierge chrétienne, attachée à la rampe de l'escalier, à l'étage du grenier. Eliane, en soldat romain, la torturait, lui enfonçait une épingle dans la jambe, mais pas beaucoup. Et après, on mettait de la teinture d'iode. J'étais heureuse. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Le personnage d'Ariane, vous l'avez aimé? Vous êtes très dur avec elle, beaucoup plus dur qu'avec Solal. Oui. Dur, pourquoi dur? C'est drôle parce que moi je la trouve assez sympathique en même temps. Seulement, qu'est-ce que vous voulez? Elle est en état de passion, c'est-à-dire que c'est grotesque. En fin de compte, c'est grotesque. Mais vous en faites une victime. Dans votre livre, vous dites que vous la trouvez sympathique, mais c'est une victime. Oui, elle le sait d'ailleurs, puisque c'est elle-même qui a voulu en finir. Parce qu'il n'y avait pas d'autre, il n'y avait pas autre chose à faire. Puisque c'est tout, ça, il y a toujours la défaite. Si c'est une passion authentique, ça ne peut aller qu'à la mort. C'est pas possible autrement. L'obsession de la mort, c'est tout simplement je me vois. Je me vois dans le cercueil. Et je me préoccupe de choses vraiment absurdes. Est-ce qu'on me mettra le costume que je préfère? On ne saura pas faire ma cravate. Moi qui l'ai fait si bien. Je sais ce que c'est, l'agonie, c'est la volonté de respirer et on sent que ça va finir. Et puis, ça, ce geste qu'on fait, c'est parce qu'on veut respirer encore. On a l'impression que si on enlève ça, l'air pourra entrer, comme si c'était un obstacle. Et bien, ce sont des choses que je vis continuellement. Ce qui ne m'empêche pas d'être gay. J'ai écrit Manche-Clou. Il y a de la gaieté. Les valeureux, il y a de la gaieté. Ah, mais je ne suis pas triste. Il y a un mariage miraculeux de gaieté enfantine, ma femme. Entre nous, ma femme, elle me traite en grand-mère. C'est moi qui suis l'enfant. On s'amuse tout le temps. Mais il y a une chose qui ne l'amuse pas du tout, c'est mes hantises de cercueil. L'inutile capiton soyeux, n'est-ce pas, qu'on me mettra en bon, n'est-ce pas? Mais cette chose absurde, moi je fais très bien la cravate, ils la feront mal, elle sera lâche, ça me gêne. Du lit demanda si elle pouvait rester. Il lui fit signe de venir à son côté, s'empara du flacon qu'elle tenait, le déboucha, respira longuement. Sans ôter son peignoir, elle s'étendit auprès de lui. Il éteignit, lui demanda si elle voulait l'éther. Dans l'obscurité, à tâtons, elle prit le flacon, respira longuement, respira encore. Et soudain, de la salle de bal montèrent des appels. Guitare hawaïenne, lâchant à regret leurs longs sanglots purs. Sanglots venus du cœur, doux sanglots étirés. Les guides tueurs d'âmes. Infinis sanglots des adieux. C'était la musique du premier soir. La même musique. Et elle s'était inclinée. Et elle l'avait regardée, glacée. Tremblante d'amoureuse frayeur. Elle resta écouter, le flacon contre elle, tenu comme un enfant. Elle aspira de nouveau, ferma les yeux, sourit. Maintenant, c'était une valse en bas, leur première valse. Solennel, ils dansaient, deux seuls préoccupés, écoutaient l'un à l'autre, soigneux, profonds, perdus, tenus et guidés à l'ignorer le monde, écoutaient le bonheur dans ses veines, parfois s'admirant dans les hautes glaces des murs, élégante, émouvante, exceptionnelle, femme aimée. Belle de son Seigneur. Oh, tristesse! Oh, niaiserie! Et pourtant, ces deux grotesques, une grandeur. Leur pauvre passion révolte contre son agonie. L'idiote obscénité, dernier recours de leur pauvre passion. À minuit, la proposition d'appeler Ingrid. Et il avait accepté, accepté par désespoir, parce qu'elle le voulait, pour mettre de la vie dans cette agonie. Pauvre damnée du paradis. Elle lui prit la main. Aimé, veux-tu? Elle lui serra la main. Fit signe que oui, il voulait. Alors elle se leva. Sortit. Dans sa chambre, elle prit le livre qui était sur la table, l'ouvrit, lut des lignes sans comprendre, le remit à sa place, défit la cordelière de son peignoir, la laissa tomber. Transpirante, elle la ramassa, en joie à saccade, égarée et souriante, la lâcha de nouveau, se toucha les joues. C'était elle. Ses joues étaient chaudes, ses mains pouvaient bouger, il pouvait les commander. Ô amour de moi en moi, sans cesse enclose, et sans cesse de moi sortie, et contemplée, et de nouveau pliée, et en mon cœur enfermée, gardée. Tant aimée, cette phrase qu'elle avait écrite pour ne pas l'oublier. Un soir, il était entré dans le petit salon, et de si grand amour, tous deux foudroyés, ils s'étaient brusquement agenouillés l'un devant l'autre. Assise devant la table, elle sortit de leur boîte les cachets, les compta. 30, 3 fois plus qu'il n'en fallait pour les deux, puisque le pharmacien de Saint-Raphaël lui avait dit de faire attention que 5 de ces cachets, c'était déjà une dose mortelle. Elle les mit en rond, puis en croix. Ah ! Et lui qui attendait. Commencez, il fallait commencer. Elle se leva. Se gratta les joues, égarée, souriante. Oui, dans la salle de bain. Oui, tous les cachets pour plus de sûreté. Devant le lavabo, elle ouvrit le premier cachet. En déchirant, la mince enveloppe. Quand elle était petite, elle réclamait les feuilles blanches qu'il y avait sous le nougat. C'est un petit miracle. Elle fondait toute seule dans la bouche. Elle ouvrit les cachets l'un après l'autre. On vida chaque fois le contenu dans un verre d'eau, remua avec le manche d'une brosse à dents pour répartir les paillettes transparentes, versa la moitié du liquide dans un autre verre, un verre pour lui, un verre pour elle. Sortie du bain, elle se recoiffa avec soin, se parfuma, se poudra, revêtit la robe roumaine, la robe aux larges manches serrées au poignet, robe des attentes sur le seuil et sous les roses. Belle dans la glace, elle souleva les deux verres, les rapprocha l'un de l'autre pour voir si les parts étaient égales. Elle rapprochait aussi les verres pour voir si on lui avait donné autant de sirop de poire qu'à Eliane. Souvent, elle le buvait pur, c'était bon. Ce sirop de poire, jamais elle n'en avait vu ailleurs. Ce n'était que chez Tante Léry qu'on en faisait. C'était bon, petit goût de girofle. On en buvait surtout en été, avec la bonne eau froide du puits. Le murmure des abeilles en été dans la grosse chaleur. Boire d'un coup sans réfléchir. Elle faisait tant d'histoires pour boire un médicament. Tante Léry l'encourageait. Allons, décide-toi, bois vite, sois sage, tu seras contente après. Elle porta le verre à ses lèvres. Goûta à peine. Il y avait des paillettes au fond. Elle remua avec la manche de la brosse à dents, ferma les yeux, but une moitié. S'arrêta avec un sourire effrayé, entendit des abeilles dans la grosse chaleur, fit des coquelicots dans les blés agités, remua encore, avala d'un trait le reste. Toute la beauté du monde. Elle a été sage. Elle a tout bu, disait Tante Léry. Oui, tout bu. Il ne restait plus rien dans le verre. Elle avait avalé les paillettes. Les sentait amères sur la langue. Vite, allez le voir. Petit coquelicot, mesdames, chanta une voix ancienne lorsqu'elle entra chez lui, l'autre verre à la main. Il l'attendait debout, archange, dans sa longue robe de chambre, beau comme au premier soir. Elle posa le verre sur la table de chevet. Il le prit, regarda les paillettes au fond de l'eau. Là était son immobilité. Là, la fin des arbres, la fin de la mer qu'il avait tant aimée, sa mer natale transparente et tiède, le fond si visible, jamais plus. Là, la fin de sa voix, la fin de son rire qu'elles avaient aimé. Ton cher rire cruel, disait-elle. La grosse mouche de nouveau zigzaguait, active, pressée, sombrement bourdonnant, se préparant, se réjouissant. Il but d'un trait, s'arrêta. Le meilleur restait au fond. Il fallait tout boire. Il agita le verre, le porta à ses lèvres, but les paillettes du fond, son immobilité. Il posa le verre, se coucha, et elle s'étendit près de lui. Ensemble, dit-elle, prends-moi dans tes bras. Serre-moi fort, dit-elle. Baise les cils, c'est le plus grand amour, dit-elle, glacée, étrangement tremblante. Alors, il la prit dans ses bras, il la serra, et il baisa les longs cils recourbés, et c'était le premier soir. Et il la serrait de tout son amour mortel. Encore, disait-elle, serre-moi encore, serre-moi plus fort. Oh, elle avait besoin de son amour, en voulait vite, en voulait beaucoup, car la porte allait s'ouvrir et elle se serrait contre lui, voulait le sentir, le serrait de toutes ses mortelles forces. À voix basse et fiévreuse, elle lui demandait s'il se retrouverait après, là-bas. Et elle souriait que oui, il se retrouverait là-bas, souriait avec un peu de salive moussant au bord des lèvres, souriait qu'ils seraient toujours ensemble là-bas, et rien que l'amour vrai là-bas, et la salive maintenant coulait sur son cou, sur la robe des attentes. Et voici, ce fut de nouveau la valse en bas, la valse du premier soir, valse à la longue traîne, et elle avait le vertige. Dansant avec son seigneur, qui la tenait et la guidait, dansant et ignorant le monde et s'admirant, tournoyante dans les hautes glaces, s'admirant, élégante, émouvante, femme aimée, belle de son seigneur. Mais ses pieds s'alourdissaient et elle ne dansait plus, ne pouvait plus. Où étaient ses pieds? Était-il allé les premiers là-bas? L'attendait-il là-bas, dans l'église en forme de montagne? L'église montagneuse où soufflait le vent noir? Oh, quel appel, et la porte s'ouvrait. Oh, grande la porte, profond le noir, et le vent soufflait hors de la porte, le vent sans cesse de là-bas, le vent humide, odeur de terre, le vent froid du noir. Aimé, il faut mettre ton manteau. Oh, maintenant, un chant le long des cyprès, chant de ceux qui s'éloignent et ne regardent plus. Qui lui tenait les jambes? Le raidissement montait, s'étendait avec un froid, et elle avait de la peine à respirer. Et des gouttes étaient sur ses joues, et un goût dans sa bouche. « N'oublie pas de venir, » murmura-t-elle. « Ce soir, 9 heures, » murmura-t-elle. Et elle saliva, eut un sourire stupide, voulut reculer la tête pour le regarder, mais elle ne pouvait plus. Et là-bas, une faux était martelée. Alors, de la main, elle voulut le saluer, mais elle ne pouvait plus, sa main était partie. « Attends-moi, » lui disait-il de si loin. « Voici venir mon divin roi, » sourit-elle, et elle entra dans l'église montagne. Alors, il lui ferma les yeux et il se leva. Et il la prit dans ses bras, lourde et abandonnée. Et il alla à travers la chambre, la portant contre lui, la serrant et de tout son amour la berçant. Berçant et contemplant, muette et calme, l'amoureuse qui avait tant donné ses lèvres, tant laissé de fervents billets au petit matin, berçant et contemplant, souveraine et blanche, la naïve des rendez-vous à l'étoile polaire. chancelant soudain, et un froid lui venant, il la remit sur le lit. Et il s'étendit auprès d'elle, baisa le visage virginal, à peine souriant, beau comme au premier soir. Baisa la main encore tiède mais lourde, la garda dans sa main, la garda avec lui jusque dans la cave où une naine pleurait. Ne se cachait pas de pleurer, son beau roi en agonie contre la porte aux verrues. Son roi condamné qui pleurait aussi d'abandonner ses enfants de la terre, ses enfants qu'il n'avait pas sauvés. Et que ferait-il sans lui? Et soudain la naine lui demanda d'une voix vibrante, lui ordonna de dire le dernier appel, ainsi qu'il était prescrit, car c'était l'heure. Tous ces romans dans lesquels ces êtres-là sont vraiment des statues merveilleuses. Ça, c'est le mensonge. Et je suis un iconoclaste. Albert Cohen, Belle du Seigneur, L'Iconoclaste. Une série d'émissions de Françoise Estève et Jean Couturier. Avec Albert Cohen. Claude Rich interprétait le rôle de Solal et Colette Berger le rôle d'Ariane. Daniel de Schepper, Adrien Deum. Prise de son et mixage, Joseph Rémiot. Assistant de production, Bruno Sourcy. Réalisation, Françoise Esteb, Jean Couturier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 août 1982. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an, ainsi que les deux précédentes de la série sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. À lire ou à relire, le Quarto Gallimard, dans la continuité chronologique de la saga, Solal, Mangeclou, Les Valeureux et Belle du Seigneur. Demain, à la même heure, dans Les Nuits de France Culture, quatrième volet de la série, Au vous, frères humains, un vieil homme de 10 ans, blanc sur un rideau noir.